Guy from like I am Bala, guy mashy from Latibre. Guy there like I fell, bit down, I did not win this one by the year, put him on your sacks in the best. I don't know about the hack on Papa. You say, laugh, Philo. For the more, don't bab. You can say, my first soirée, Master Gwyn. I learned river, don't boite de nuit. Moi, permise, moi, c'est problème qu'a trouvé moi. Master Gwyn, ma tribal, c'est pour gâtiser nos là. Il n'y a pas de talent à deux fous. Je casse séquestre moi à présent. Biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba. Vous gars pantalon à deux fous là, tis en nous là, et gardez-moi, dis-moi, monsieur, l'argent entre l'argent pas bon nous. À quoi point nous devons nous? A dit, monsieur, pas vers moi-même. Il dit, moi, pour avec nous, c'est juste un mauvais moment à passer. Vous pouvez mettre des oreilles, et c'est bon. A dit, monsieur, pas ni bon mauvais moment à passer. Il dit, moi, ben si c'est ça, nous que battu. Nous que piger. Débouleur là, nous que mettre y'a dans les taux, et nous que serrer y'a bloc. Nous que tout faire. Tenez, Master Gwina. Master Gwina garde moi, il dit moi ira, envoie au gentil pour pas ni monte. Là, il m'a dit, il m'a fait un cadeau monte là. Il dit oui. Il dit moi pas con yo, a déjà ton yo qui a mal parlé. C'est ça même. Biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba. Antonio qui a dit, nous avons convoité à préfet là. Si on mettait des tuyaux en argent, les vendeurs, quoi sont mon clarinette? Mais, en pas qu'on y a, encore une vidéo pour nous payer danser, faites petit canal. En partie ma tribole là, on va danser, faites petit canal. En mettre moins qu'à danser. Comme c'est fait petit canal, a commencé à descendre même dans les canals. Il dit moi ira, a pas parce que c'est fait petit canal, ou descendre même comme ça dans les canals. Il dit moi ira, est-ce qu'on croit en réincarnation? A dit oui, beaucoup. Il dit moi si vous devez réincarner, qui ça vous devez réincarner? A dit un casserole. Dis-moi pourquoi un casserole. On dit, un casserole là, quoi qu'un bec et aille, et quoi faute fait ça. Et moi, quand j'adore ça, on pile. Parce qu'on a trouvé ça très agréable. Biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba. Dans les canals, là où mettre moins si tension. Là où aller maintenant dormir, c'est pour faire moins petit bœuf, pour faire moins petit bœuf. On dit qu'il y a petit bœuf encore là. Il dit moins, beau moins, caresser moins, un beau master Gwina. Caressez, et dis-moi, descends, descends, descends, en descends, en descends. Biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, sale nécessaire. Ça plus bon qu'il mange rassis. Manger rassis là où il casse. Et ça là plus rimeille, plus bon. Comme bouchard c'est tao, vous ne doit faire ça ou l'éveil, vous ne doit dire ça ou blé. Ma tribal là, dis-moi, ira, point moins, point moins comme femme ao. A dit, non, c'est bien meilleur de mon bon Dieu mettre bon homme sur la terre, son vieux loto. Elles vont femme. Comment j'en ai un vieux loto? En cas gardé. Vous mettant ou amant ou l'eau mari. Parce que c'est Master Gwina Madribola ou elle avait des tichènes en pied à yola. Yo consort bêtier. Tout le monde tourne yo. Ou quand tourne yo. Eh ben, comme nous passons un bon moment. La prévention routière, ils disent, roulez mollo, pas vite, parce que à 90, on va chanter près de trois bon Dieu. À 120, c'est nous qui sommes obligés de chanter bazar. Au revoir. Biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba.